Section 95 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. La lecture, tome 6e. Section 95. La princesse Lilith, par Jules Lemaître, chapitre 3. Alors Lilith alla dans le jardin, afin de s'y promener sous les grands sycamores. Elle y rencontra le vieux Zabulon, qui avait été autrefois capitaine des gardes du roi. Hérode avait remplacé sa garde juive par des soldats romains, mais, ayant confiance dans le vieux Zabulon, il l'avait chargé de surveiller la partie du palais qu'habitait la princesse Lilith. Le vieux Zabulon, infirme depuis quelques années, se chauffait au soleil sur un banc de pierre. Et l'âge l'avait si fort incliné que sa large barbe se repliait sur ses genoux. Lilith lui dit « Tu es triste, vieux Zabulon ?» J'ai su par un centurion que le roi avait donné l'ordre de tuer demain, dès l'aube, tous les enfants de Bethléem au-dessous de 2 ans. « Pourquoi ?» Les mages ont annoncé que le Messie était né, mais on ne sait à quoi le reconnaître, et les mages ne sont pas revenus dire s'ils l'avaient trouvé. En tuant tous les petits-enfants de Bethléem, le roi est sûr que le Messie ne lui échappera pas. « C'est vrai, » dit Lilith, « cela est très bien imaginé. » Puis, après un moment de réflexion, « Est-ce qu'on peut le voir ?»« Qui ?»« Le Messie. » »« Pour le voir, il faudrait savoir où il est. » »« Et si l'on savait où il est, le roi n'aurait pas besoin de tuer tous les petits-enfants de la même bourgade. »« C'est juste, » dit Lilith. Elle ajouta à voix basse et comme ayant peur de ses paroles, « Mon père est bien méchant. » Puis, tout à coup, « Et le petit Osaël ?»« Le petit Osaël, » dit Zabulon, « mourra comme les autres, car les soldats fouilleront dans toutes les maisons. Pourtant je suis bien sûr, moi, que le petit Osaël n'est pas le Messie. Comment voulez-vous qu'il soit le Messie? C'est le fils de ma sœur de lait. Demandez sa grâce à votre père, » dit Zabulon. « Je n'ose pas, » dit Lilith. Elle reprit. « Je vais aller, avec Noun, chercher moi-même le petit Osaël, et je le cacherai dans ma chambre. Il y sera en sûreté, car le roi n'y vient presque jamais. » Fin de la section 95.